France Inter, franceinter.com. Il s'agit de la face obscure du gaullisme, l'existence du SAC, ce service d'action civique créé en 1959 au lendemain du retour au pouvoir du général de Gaulle et dont la raison d'être était justement de soutenir l'action du général. Mais très rapidement, cet objectif respectable a été dévoyé et le SAC est devenu une sorte de police parallèle qui a recruté ses hommes de main à la fois chez les représentants de l'ordre et dans la pègre. La possession de la fameuse carte d'adhérent barrée de tricolore était en effet un précieux sésame qui permettait aux truands de passer sans encombre les contrôles de police et leur assurait une sorte d'impunité. Cette dérive ne fera que s'amplifier au fil des ans car le SAC sera mêlé à la plupart des événements qui jalonnent les débuts de l'histoire de la Ve République, lutte contre le FLN, puis l'OAS, mai 68, etc. Et malgré l'épuration entreprise par Georges Pompidou au lendemain de la démission du général, ces militants se distingueront encore par de nombreuses malversations et des actions violentes lorsqu'ils sont chargés, par exemple, de briser des grèves, de commettre des attentats ou de participer à des campagnes électorales musclées. Enfin, alors que l'organisation entre en déliquescence et que la gauche vient d'arriver au pouvoir, c'est l'affaire de la tuerie d'Auriol. Toute une famille massacrée par un commando du SAC. Un dossier encore mystérieux car les mobiles des tueurs n'ont pas été véritablement éclaircis. En tout cas, ce drame sera à l'origine de la dissolution du SAC en 1982. Monsieur X revient sur ces événements et essaie de faire la lumière. On n'est pas des flics ordinaires, on ne colle pas des contraventions, on ne fait pas la chasse aux gangsters, on ne catéchise pas les blousons. La police, on est les pères nous, cousins, à côté de nous, mais Scotlandia. À l'air d'un ramassis de tocards, la PJ fait franchement tartouze. Gare au bar, au bar rose. On connaît les langues étrangères, un, zwei, drei. On n'est pas obtus à Munich, à New York, au Caire. Comme ça on passe inaperçu. Remarquez pour qu'on s'en souvienne, qu'on mélange pas les baratins. Quand on nous masse tous les matins, on insiste sur la boîte crânienne. Gare au bar, au bar rose. On escorte les hauts personnages, principalement les présidents. On a un œil sur les parages et de l'automne qui pavillon, on colle à lui comme des ventouses. On met nos pieds dans tous ses pas, on met nos pieds dans tous ses pas. C'est tout juste, il ne nous retrouve pas sous le jupon de son épouse. Gare au bar, gare au bar, au bouse, au bar bouse. Ce qui nous manque, c'est les demoiselles. Sur ce plan-là, on est privé. Pas de chance, le patron nous appelle chaque fois qu'on pourrait consommer. Alors, après 50 services passés dans de telles conditions, souvent dans nos goûts, nos façons, des transformations s'accomplissent. Gare au bar, gare au bar, au bar blouse. La la la la. France Inter, rendez-vous avec X. Peut-être avez-vous vu, il n'y a pas si longtemps, un film de Canal+ consacré au SAC, et principalement à la tuerie d'Auriol. Oui, je l'ai vu, effectivement. Je peux même ajouter que Ce film a été produit par Capa et que le scénariste est inspiré d'un dossier préparé par le rédacteur en chef du Canard Enchaîné, Claude Angéli. Une garantie de sérieux, donc. Oui, même si la fiction a parfois pris quelques libertés avec la vérité. Enfin, peu importe, c'était une œuvre de qualité qui a permis aux plus jeunes qui n'ont jamais entendu parler du SAC de comprendre ce qu'était cette ténébreuse organisation. Ouais. Moi, en tout cas, je me souviens d'un autre film où sur décision de justice, la production a dû biper la bande-son à chaque fois que le mot « sac » était prononcé. Ouais, le juge Fayard, dit le shérif, dit Boissé. Eh oui, c'est exact. On y évoquait l'assassinat d'un juge d'instruction. De son vrai nom, le juge Renaud. En effet, il était question de façon très transparente d'un hold-up perpétré à la poste de Strasbourg au début des années 70. Enfin, à l'époque, on ne pouvait pas toucher impunément au sac. Et Boissé l'a appris à ses dépens, même si cette histoire de bip a concouru aussi au succès du film. Ça, c'est moral. En tout cas, ce film a eu le mérite de montrer les liens très équivoques qui existaient entre truands, policiers et hommes politiques de la majorité. Pas tous, quand même. Bien évidemment. Enfin, c'était quand même inquiétant. Remontons à la source. Mm-hmm. Au début, il y a le service d'ordre du RPF. Le RPF, c'est le Rassemblement du Peuple Français. Le parti créé par le général de Gaulle en 1947. Un parti attrape-tout qui remporte d'emblée un succès considérable aux élections municipales de la même année. Enfin, quand vous dites attrape-tout... On y trouve naturellement des gaullistes sincères, c'est-à-dire des gens qui ont approuvé l'action du général pendant la guerre. Et parmi eux, il y a d'authentiques résistants. Enfin, vous savez bien que malgré la légende, la France a été assez peu résistante. Alors, la majorité des adhérents du RPF est formée de gens qui aspire à voir le général revenir au premier rang et exercer un pouvoir fort. Des gens qui ont peur aussi. Oui, peur des communistes. C'est ça. La guerre froide est entamée. Et beaucoup de Français, à commencer par De Gaulle lui-même, pensent que l'armée rouge finira un jour par déferler en France. Et puis dans ce RPF, il faut bien le dire, on va aussi retrouver nombre de pétainistes qui espèrent se refaire une virginité ou plus simplement se faire pardonner leur attentisme pendant la période de l'occupation. Un parti, donc, plutôt droitier. Même s'il y a aussi quelques hommes de gauche. Enfin, quoi qu'il en soit, le RPF qui draine des foules considérables et affronte souvent physiquement les militants communistes est presque obligé de se doter d'un service d'ordre et recrute des gros bras. Et parmi eux, on trouve des anciens de la France libre qui n'hésitent pas à faire le coup de poing si c'est au nom du général. Un homme comme Ponchardier, par exemple. Oui, ça, c'est l'auteur des Gorilles. En effet. Mais inévitablement, d'autres types ont des CV beaucoup plus contestables. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas très regardant. Non. Et vous le savez bien, les truands sont des auxiliaires précieux pour les partis politiques lorsqu'il s'agit de faire le sale boulot. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'à la tête de ce service d'ordre du RPF, on trouve déjà les hommes qui créeront plus tard le SAC. C'est-à-dire Pierre de Bizet et surtout Jacques Foccart, qui deviendra peu à peu l'éminence grise du général. Enfin, passons quelques années. Mais c'est-à-dire ces années 50 où, après un succès fulgurant, le RPF se délite peu à peu. Effectivement, même le général s'en désintéresse. Ouais. Puis il y a les trahisons. Et tous ceux qui vont choisir d'aller à la soupe, comme disait De Gaulle. Mais certains militants restent aux aguets et continuent de garder des liens entre eux. Et ils seront de ceux qui vont, plus ou moins dans l'ombre, préparer le coup de mai 58 en profitant de la crise algérienne pour favoriser le retour au pouvoir du général. Et quelques-uns sont même prêts à en découdre par la force, si besoin en était. Ah oui, vous pensez à qui, là ? Charles Pasqua, par exemple, à Marseille, son fief. Il a regroupé plusieurs dizaines d'hommes armés, tout prêts à s'emparer de la préfecture si les dirigeants de la 4e République faisaient de la résistance. Pasqua, qui va être, je crois, un des fondateurs du SAC. C'est exact, oui. Donc, il y a quand même, dès l'origine, il y a quelque chose de factieux. Tout à fait. Ces gens-là ne sont pas du tout hostiles à la violence. Bien au contraire. Mais ne vous étonnez pas si le général n'a pas effectué un putsch, personnellement en tout cas. Il a su admirablement profiter du climat insurrectionnel qui prévalait à Alger. Ah oui, et aussi de la menace des paras. C'est évident, mais enfin passons. C'est en 1959 que le SAC va voir le jour. Donc après l'élection du général à la présidence de la République et l'adoption de la Constitution de la 5e République. Oui. Son parrain et créateur, c'est incontestablement Jacques Foccart, même si ce dernier n'apparaîtra jamais dans l'organigramme du SAC. Alors, Focard, on sera donc le, comment dire, le dirigeant occulte. Jacques Focard, qu'on retrouve à Matignon dès le mois de juin 58. Alors que le général est encore que le président du Conseil. Oui, et en janvier 1959, Focard suit De Gaulle à l'Élysée. C'est, il va être chargé des affaires africaines. Mais aussi de la supervision des services secrets. Et ça en dit long sur la conception des rapports que la France entendait établir avec les pays africains. Mais enfin, poursuivons. Mais attendez, avant d'aller plus loin là. Le général qui a placé Focard à l'Élysée a un poste hautement stratégique. Ne peut donc pas ignorer grand-chose des activités du SAC. Ah, c'est certain. Mais il feindra souvent de n'en rien savoir. Ah oui, parce que c'était subalterne à ses yeux. D'autre part, il n'est pas exclu que Focard, de lui-même, afin de ne pas embarrasser son grand homme, ait omis de l'informer des aspects les plus répréhensibles de l'action du SAC. Focard, il ne faut pas l'oublier, était une sorte de dévot, et dès qu'il était question du général. Mais si vous en êtes d'accord, je vous propose de consacrer un entretien entier à Focard, parce qu'il le mérite. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Cet homme de l'ombre a joué un rôle considérable sous la Ve République. Et s'il a souvent été attaqué, même accusé des pires vilainies, il est au moins un point qui mérite le respect. C'est sa fidélité totale au général de Gaulle. Une fidélité qui ne s'est jamais démentie. Donc, j'en prends acte et je prends rendez-vous. Alors, le SAC est donc créé. À l'initiative de Focard. Et avec à sa tête Pierre Debizet, un ancien résistant qui a fait partie du service d'ordre du RPF. Un homme qui fait preuve d'une autorité naturelle. Grand, moustachu, l'air résolu, il va tenir la boutique avec efficacité. Parmi les fondateurs, on trouve aussi la fine fleur du gaullisme d'action. Roger Frey, Alexandre Sanguinetti, Paul Comiti, Charles Pasqua, Jean Bozzi et ceux qu'on appellera plus tard les barons, dans ce guerre très éloigné. Mais ce SAC, Service d'Action Civique, est créé dans quelle optique et avec quels objectifs? Officiellement, cette association, loi de 1901, a pour ambition de rassembler tous ceux qui, sans distinction d'opinion ou de race, veulent soutenir l'action du général de Gaulle. Et les pères fondateurs ont ajouté, ce qui est quand même assez étonnant, qu'il s'agit de mener une action civique, culturelle et sociale, en dehors de toute action politique. C'est curieux, en effet, pour une organisation qui ne regroupe que des gaullistes. Et qui apparaîtra bien vite comme étant le service d'ordre du parti gaulliste de l'époque, l'UNR. C'est-à-dire un service chargé de la sécurité des militants gaullistes et d'organiser la claque lors des meetings. En réalité, il en va tout autrement. Alors, expliquez. Le SAC, qui c'est vrai, à l'occasion des campagnes électorales, assurera la sécurité des candidats gaullistes, poursuit des objectifs beaucoup plus ambitieux. Et cela dès l'origine. Focard et les cofondateurs veulent créer à tous les niveaux de la République une sorte d'appareil de veille. Ça veut dire quoi, ça? Un organisme chargé de surveiller tous les partisans de l'ordre ancien. La Quatrième République, enfin. Bon, c'est un réseau d'espionnage, au fond. Oui, oui. Car malgré l'incontestable succès électoral de l'automne, ces gaullistes continuent à se méfier. Enfin, autant vous le dire tout de suite, cette entreprise ne sera jamais très efficiente. Par contre, très vite, le SAC qui va recruter à tour de bras dans les forces de sécurité va devenir une police parallèle, chargée de lutter contre la subversion en général et le Parti communiste en particulier. Quand mon 635 me fait les yeux doux, c'est un vertige que j'ai souvent pour en finir pan pan. Idée qui me vient, je ne sais pas d'où. Rien qu'un vertige, j'aimerais tant comme ça pour rire, pan pan. Aïe, mourir pour moi, me buter pourquoi? Histoire d'en finir une bonne fois. C'est une idée qui me vient, je ne sais pas d'où. Rien qu'un vertige que j'ai souvent comme ça pour rire, pan pan. Mon 635 me fait les yeux doux, c'est un vertige que j'ai souvent pour en finir, pan pan. C'est une idée qui me vient, je ne sais pas d'où, rien qu'un vertige. J'aimerais tant comme ça pour rire. Pan, pan. Aïe, mourir pour moi, me buter pourquoi, histoire d'en finir avec toi. C'est une idée qui me vient, je ne sais pas d'où. Rien qu'un vertige que j'ai souvent, je trouve ça assez tentant. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'universitaire François Odigy a publié il y a peu chez Stock un ouvrage très complet sur le sac. Dans son introduction, il s'interroge sur la relation intime que l'organisation entretient avec la violence et le secret, je le cite. Au risque d'insister sur des évidences, rappelons que le gaullisme est apparu pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Résistance et la France libre. Il s'est ensuite constitué politiquement dans un autre contexte de guerre, celui de la guerre froide, qui a fortement marqué le RPF. Il s'est enfin imposé au pouvoir à la faveur d'un autre conflit, celui de la guerre d'Algérie, qui avait amené la France au bord de la guerre civile et détermina le rappel du général. Ce cadre originel et ce contexte de retour, tous deux marqués par la guerre sous toutes ses formes, guerre mondiale, guerre coloniale, guerre civile, menace de guerre, ne doivent pas être sous-estimés pour apprécier la culture politique très spécifique du gaullisme. La violence du sac a été acceptée, ou en tout cas tolérée, parce qu'il existait au fond dans ce courant politique une violence héritée qui trouvait ses racines profondes dans la Seconde Guerre mondiale et fut entretenue dans le terreau de la guerre froide, puis de la guerre d'Algérie. Il y a donc dans l'histoire du sac, et cela dès le début, une attraction pour la clandestinité, le secret. Malgré le fait que c'est une association de type loi de 1901. Oui, oui. Mais ce n'est pas très étonnant. Focard, car tout procède de lui, aura des relations suivies avec le SDEC. Mais ça, c'est notre service de renseignement. Et même lorsqu'il sera installé à l'Élysée, auprès du général de Gaulle, il continuera à faire des périodes au sein du 11e choc, c'est-à-dire le bras armé du SDEC. Un bataillon où le service recrute ses agents chargés d'opérer sur le terrain. Ah, ça, c'est les barbouzes. Même si le mot n'existe pas encore. Je crois que c'est à l'occasion de l'affaire Ben Barka qu'on a inventé le mot. Enfin, là, je m'égare un petit peu. Le SAC, donc créé en 1959, ne va pas tarder à traverser une crise très grave. Il a raison. L'Algérie. Dans leur grande majorité, les gaullistes sont partisans du maintien de la présence française en Algérie. Mais le général qui s'est servi de la question algérienne comme d'un levier pour recouvrer le pouvoir, va bientôt se découvrir. Ouais, ouais, il va passer d'un seul coup de l'Algérie française à l'Algérie algérienne. Et beaucoup de ses fidèles auront l'impression d'être trahis, même parmi ses compagnons les plus proches. Je pense à un homme comme Michel Debré ou encore Léon Delbecq, qui a joué un rôle si important à Alger en mai 1958. Et puis, je ne parle pas des pieds noirs qui se sont ralliés à De Gaulle parce qu'il incarnait l'Algérie française. Je vous ai compris. Ouais, et certains, vous le savez bien, basculeront dans la rébellion et essaieront même de se débarrasser physiquement du général. D'autres, au contraire, romperont avec De Gaulle sans toutefois rejoindre les rangs des soldats perdus, comme on va les appeler. Et le patron du SAC, Pierre de Bizet, est de ceux-là. Dire qu'il va quitter l'association, hein. Oui, en silence. Et pour l'anecdote, il ne portera plus que des cravates noires. Quoi, ça, c'est le deuil de l'Algérie perdue ? Exactement. Et Focard, alors, le véritable parrain du sac, hein, n'a pas essayé de le retenir ? Ah, bien sûr que si, mais de Bizet est intraitable. Il pense, comme beaucoup d'autres gaullistes historiques, que De Gaulle l'a trompé. Ouais. Et Focard, lui, n'a pas d'état d'âme ? Bah, écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais sa fidélité au général l'emporte. Et il sera un acteur important dans le combat contre l'OAS. Quoi qu'il en soit, la politique algérienne du général provoque de sérieux dégâts dans les rangs du SAC. C'est-à-dire des départs. Oh, oui, très nombreux. Toutefois, il faut le noter, Focard ne laisse pas tomber son ami de Bizet. Malgré l'hostilité de ce dernier au général. En effet, Focard n'est apparemment pas rancunier. Et usant de ses relations africaines et du tutorat qu'il exerce sur nombre de dirigeants du continent, il lui trouve une place de conseiller à la sécurité auprès du président tchadien. Et un peu plus tard, de Bizet exercera les mêmes fonctions auprès de l'un des meilleurs amis de la France, Omar Bongo. Belle reconversion, hein ? Certainement, et fructueuse. De Bizet devient donc un pion de cette France-Afrique que Focard va diriger de l'Élysée. Et il ne réapparaîtra officiellement dans le jeu politique français qu'après la démission du général. Enfin, ça, peut-être qu'on en reparlera. Ouais. Cependant, Malgré son éloignement, De Bizet continue de s'intéresser au sac. Ainsi, et il le fait savoir, il n'apprécie pas que pour regarnir les rangs clairsemés du sac, ses nouveaux dirigeants recrutent des gens proches du milieu. Ces nouveaux dirigeants-là, qui sont-ils ? Le président est Paul Committee. Ah ben, Committee, c'est un des gardes du corps du général. C'est hein, ça. D'ailleurs, il faut le souligner, la plupart des gorilles du général auront des liens plus ou moins étroits avec le sac. C'était des policiers. Bien sûr. En tout cas, même si le sujet fait encore débat, certains de ces nouveaux adhérents, un peu douteux, ont mené quelques actions en métropole contre le FLN. Bon, contrairement à la légende, les militants du SAC vont se garder d'intervenir ouvertement contre l'OAS. Et toujours à cause de l'Algérie ? Naturellement. Pourtant, ouais, des truands vont être engagés dans la lutte contre l'OAS. En Algérie même, des types qui sont munis de fausses cartes de police émises par la préfecture. Ça rappelle le vrai faux passeport de l'affaire du Carrefour du développement. Enfin, c'est la même chose. Ouais. Et l'homme qui va principalement recruter ces truands est l'un des fondateurs du SAC, Alexandre Sanguinetti. Donc tout ça peut prêter à confusion. Hein. C'est vrai. Il n'est pas exclu que certains de ses membres de la pègre aient joué sur les deux tableaux. D'autant, on va le voir, que la possession de la fameuse carte tricolore du SAC va devenir de plus en plus convoitée. En tout cas, pour en finir provisoirement avec De Bizet, l'ancien chef du SAC sort de la réserve qu'il s'est imposée lors du référendum sur l'autodétermination. Et par écrit, il invite les responsables de l'organisation à voter non. Ce qui n'aura guère d'effet. Forcément, les Français sont là, de la guerre d'Algérie, et ils veulent en terminer au plus vite. Et au sein du SAC, le douloureux épisode algérien s'effacera peu à peu. Au fond, toute proportion gardée dans ce petit monde où l'on croise de véritables militants, mais aussi d'authentiques truands et même des caïds, on va assister à ce qui s'est passé dans le milieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gangsters, collabos et gangsters résistants ont rapidement pactisé et oublié leurs différends. Les affaires d'abord, hein. Bien entendu. Et l'engagement politique n'existe que s'il permet de s'assurer des protections et des passe-droits. Ah, c'est pourquoi des parrains du milieu n'hésitent pas à mettre leurs équipes à la disposition du SAC. Oui, parce qu'ils savent qu'ils seront toujours payés de retour. Ainsi, un caïd, comme Jean Auger, un ancien résistant qui collabore sans problème avec des rescapés de la Carlingue, règne sur le milieu lyonnais. Mais c'est aussi le chef du SAC pour la région. Et lorsque le Premier ministre Georges Pompidou vient faire campagne à Grenoble lors des élections législatives de 1967, ce sont ses hommes qui font la salle, comme on dit, et vont conspuer l'adversaire de Pompidou, Pierre Mendès-France. C'est aussi un affidé de Jean Auger qui servira de chauffeur au candidat Premier ministre. Et Pompidou, alors, il est au courant ? Bah, en tout cas, il ne tardera pas à l'être, hein, un peu plus tard. Ce chauffeur sera abattu et sa compagne sera arrêtée en possession de plusieurs dizaines de kilos d'héroïne. Très embarrassant, tout ça. Ça explique sans doute pourquoi, dès son élection à la présidence de la République, Pompidou exigera des responsables du SAC qu'ils procèdent à un sérieux nettoyage dans leur rang. Enfin, n'allons pas trop vite. Poursuivons. Au cours de ces années 60, donc, le SAC se préoccupe essentiellement des élections. Ses adhérents collent des affiches, assurent la sécurité des réunions publiques et parfois, comme je viens de vous le dire, ils sont chargés de faire la claque. Ce sont des activités à peu près légales. Oui, enfin, même si ça ne va pas toujours sans violence, mais enfin, passons. Au cours de la campagne présidentielle de 1965, le SAC se révèle particulièrement actif. Car De Gaulle, qui a décidé de solliciter un second mandat, craint un scrutin serré. Juste titre, puisqu'il va être mis en ballottage par Mitterrand. Et pour lui, ce sera une vraie humiliation. Par conséquent, Jacques Foccart et Paul Committee mobilisent leurs hommes et les lancent dans la bataille. Et ils sont efficaces ? Ouais, bah ils encadrent les meetings, font quelquefois le coup de poing contre les opposants et se dépensent sans compter. Et d'une certaine façon, ils ont du mérite. Car à l'Élysée, on feint de n'en rien savoir. L'Élysée voulait dire Charles de Gaulle. Bien sûr, à cause naturellement de la mauvaise réputation du SAC. C'est quand même très hypocrite. Hein. Là, je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est ainsi. Et le général était d'autant plus enclin à agir ainsi qu'au même moment, fin 1965, l'affaire Ben Barka éclate et que son principal conseiller, Jacques Foccart, va être mis en cause. Au moins par la presse. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. En 1975, un certain Patrice Chéroff, Dominique Calzi de son vrai nom, a publié un livre très documenté sur les polices parallèles et le sac en particulier, B comme Barbouze. Bien qu'il faille parfois se méfier de certaines informations délivrées par cet ancien du sac, il est évident qu'il a puisé aux meilleures sources et a eu accès aux archives de l'organisation. Il souligne entre autres l'aspect « service de renseignement du SAC ». Ainsi cet extrait, où il évoque l'activité de deux très proches collaborateurs de Jacques Foccart, Vincenzini, un ex-agent du STEC, et son adjoint Paolini, issu, lui, de la DST. Paolini dispose des laissez-passer indispensables pour avoir accès de façon permanente aux fichiers des renseignements généraux de la préfecture de police, au deuxième étage de la préfecture, boulevard du Palais, ainsi qu'au fichier central des RG de la rue Cambacérès. Il a ainsi libre accès permanent à toutes les divisions du fichier central, alors que pour consulter certaines de ces divisions, un officier de police principal des renseignements généraux doit présenter un ordre écrit d'un commissaire valable pour une seule visite. Et Chéroff, de remarquer avec malignité, c'est l'époque où le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, scandait nerveusement à la tribune de l'Assemblée nationale le 7 mai 1966 « J'affirme solennellement une fois pour toutes qu'il n'y a pas en France de police parallèle et qu'il faut que cessent ces calomnies odieuses, ces racontards déshonorants, ces histoires de barbouzes. » Alors vous évoquiez l'affaire Benbarka. Oui, oui. Lors d'un interrogatoire, un des protagonistes... L'un des policiers mis en cause, je crois, déclare « Foccart était au parfum ». C'est-à-dire au parfum, au courant. Oui, ouais, ouais, enfin, l'expression qui va faire florès. Il n'en faut pas plus pour qu'on soupçonne le sac d'être mêlé à l'affaire. D'autant que nombre d'hommes ayant participé à l'enlèvement sont des truands barbouzes qui ont été employés dans la lutte contre l'OAS. Enfin, on ne prête qu'aux riches. Hein. Le sac n'a joué aucun rôle dans cette affaire. Toutefois... Il n'en a pas été de même pour notre service de renseignement. Nous en avons déjà parlé, alors inutile d'y revenir. Enfin, je note que pour une fois, vous blanchissez le sac. Et pourquoi pas? Je suis aussi capable d'instruire à décharge. Cependant, trêve de plaisanterie, bien que le sac n'ait pas réellement été compromis dans l'affaire Benbarka, on en a beaucoup parlé à cette occasion, et ça n'a pas plu à l'Élysée, où toutes ces histoires de barbouzes agacent. Et De Gaulle demande sèchement à Foccart de nettoyer les écuries d'Augias. C'est-à-dire de se débarrasser des éléments les plus douteux. Oui, c'est d'autant plus urgent qu'en 1967, il y a les élections législatives et que la gauche semble en mesure de l'emporter. Ouais. Donc le feu à la maison. Hein. Il faut cacher dans les placards tout ce qui fait mauvais genre. Foccart va donc procéder à une profonde restructuration à la tête de l'association. Certains disparaissent, d'autres arrivent... Charles Pasqua, par exemple, qui devient vice-président. Et Comiti, lui Il garde la présidence. Et à la base, on essaie aussi de faire le ménage. La carte barrette tricolore n'est plus attribuée qu'aux éléments sûrs, tandis que désormais, pour adhérer au SAC, il faut présenter un casier judiciaire vierge. Il était temps, hein. Bon, il faut aussi être parrainé par deux membres du SAC. Mais bon, ces mesurettes, là, est-ce que ça suffit pour épurer le mouvement? À l'évidence, non. Non, il y a des habitudes qui ont été prises. Le fait, par exemple, de confondre intérêts privés et militantisme. Alors, il est difficile de revenir en arrière. Et puis, il y a tous ces types issus du milieu qui ne sont pas du tout décidés à se laisser virer. Oui, tant que ceux-là ont des arguments frappants. Et des soldats derrière eux. Donc, ce n'est pas aisé de les éliminer. Et puis, pour la campagne électorale, on va avoir besoin d'eux. Sur instruction donc de Georges Pompidou, qui va être le chef de file de la majorité en tant que Premier ministre, 2000 gros bras du SAC vont être mobilisés. Vous m'avez déjà parlé de Grenoble. Et du duel oratoire entre Pompidou et Mendès-France, oui. Je me souviens de tous ces types assis dans les premiers rangs qui hurlaient dès que l'ancien président du Conseil avait la parole. Et aussi du sourire goguenard de Pompidou qui manifestement appréciait la manœuvre, quoi qu'il en soit. La mobilisation massive du SAC, qui comptait alors une dizaine de milliers d'adhérents, a permis à la majorité gaulliste de l'emporter de justesse. D'une voix, hein, à l'Assemblée. C'est ça, oui, grâce à l'Outre-mer. Ouais. Alors, ça a donc été aussi un peu la victoire de Foccart. Incontestablement. Et le conseiller du général en a profité pour faire nommer quelques-uns de ses protégés dans les cabinets ministériels. Après ce succès, les gaullistes n'ayant plus d'échéance électorale importante en vue avant plusieurs années, pouvaient donc espérer gouverner en paix sous la houlette du général. Mais patatras. Un an après ces difficiles élections législatives, ce sont les premières manifestations étudiantes. Bientôt les événements de mai 68. Ouais, où le SAC va forcément jouer un rôle, puisque c'est le pouvoir du général de Gaulle qui est mis en cause par ce mouvement quasi insurrectionnel. Toutefois, alors que s'annonce mai 68, en fait, ça commence à Nanterre au mois de mars. Le SAC ne se trouve pas dans sa meilleure forme. Quelle raison ? Les voyous. Les proxénètes qui ont été embauchés pour les élections de l'année précédente ne sont pas des recrues de premier choix, comme vous pouvez bien l'imaginer. Bon, ce qu'ils cherchaient, c'était d'abord une protection politique et policière, et puis il y a une sorte de lassitude. 10 ans de pouvoir gauliste, ça commence à faire beaucoup. 10 ans, ça suffit. Non, j'irai pas jusque-là, mais on note quand même une certaine démobilisation. C'est si vrai que les premiers événements de mai 68 peinent à raviver la flamme gaulliste chez les militants. Foccart est même si inquiet qu'il se décide à faire appel à De Bizet. Et l'ancien patron du SAC accepte ? Oui, parce qu'il juge, lui aussi, que la situation est grave. Si grave même que ces gaullistes vont nouer des alliances avec l'extrême droite et les soldats perdus de l'OAS. Des hommes qui ont pourtant tenté d'assassiner le général à plusieurs reprises. Hein. Mais devant le danger communiste et gauchiste, on oublie tout et on marche la main dans la main. Et ces militants d'extrême droite-là, viennent-ils spontanément ou bien sont-ils rassurés par le retour de Bizet ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on leur fait des promesses. Quoi alors ? L'amnistie ou la grâce pour les membres de l'OAS encore recherchés et les généraux ou officiers factieux qui sont toujours détenus à Tulle. Ce n'est pas une promesse en l'air. Salan, Challes et les autres seront libérés en juin 68. Alors, ça ne peut signifier qu'une chose, hein, c'est que De Gaulle, car lui seul, pouvait prendre une telle décision, a approuvé le marché. J'en suis persuadé. Et dès la deuxième décade du mois de mai, on voit défiler rue de Solferino, c'est-à-dire au siège du SAC, tout un tas de nouveaux venus. Des anciens paras mouillés dans le putsch, des généraux, des mercenaires qui ont combattu en Afrique, d'anciens harkis, des membres de groupuscules nationalistes, des truands marseillais et aussi, il faut bien le dire, de vrais gaullistes souvent venus de province pour défendre le général. En tout cas, ça compose un rassemblement très hétéroclite. Hein. Il règne rue de Solferino une certaine pagaille. On y voit aussi circuler pas mal d'armes. Revolvers, pistolets, fusils mitrailleurs, grenades lacrymogènes ou offensives, matraques, etc. À l'évidence, certains arsenaux ont été opportunément ouverts. D'ailleurs, certains membres du SAC ne vont pas tarder à prendre contact avec des officiers de régiments cantonnés autour de Paris. Oui, mais concrètement, là, qu'est-ce que ça va donner ? Que vont faire tous ces hommes ? Plusieurs actions sont envisagées. D'abord, des missions de renseignement. Et pour ce faire, les hommes du SAC vont y aller un peu fort. Ils se sont procurés des ambulances. Des ambulances où, les soirs de manifestation, ils vont faire monter des étudiants blessés ou un peu amochés. Et se dirigent ensuite vers le QG du mouvement. Oui, la rue de Solferino. Oui, hein. Oui. Ces jeunes sont descendus à la cave et là, ils sont attachés et sévèrement interrogés. Sévèrement. Bon, vous avez très bien compris. Ils sont malmenés, parfois tapés. Mais qu'espèrent-ils obtenir, ces gens du SAC, là, de ces types arrêtés ? Des noms, des carnets d'adresses, des informations sur leur lieu de réunion. Puis, encore terrorisés, les étudiants sont relâchés. Ça se passe en plein Paris. Et pas très loin des véhicules d'un escadron de gendarmes mobiles, chargés de protéger le siège du SAC. J'ajoute que les forces de l'ordre ont reçu des consignes afin de laisser passer les véhicules de l'organisation. Car il n'y a pas que des ambulances. Pourquoi encore, là ? Les types du SAC disposent aussi de camionnettes pour transporter leurs commandos. Des commandos qui sont chargés de faire de la provocation et de s'infiltrer dans les manifestations en brandissant des drapeaux rouges. Le but étant d'isoler des manifestants, des meneurs si possible, et de les tabasser. Mmh. Ben, j'ai vu parfois, quand j'étais reporter, des costauds en gabardine qui ne ressemblaient pas du tout à des étudiants. Hein. Ben, c'était sûrement des hommes du SAC. Mmh. Ponctuellement, ils attaqueront aussi des lieux où se retrouvent les contestataires. Et puis bien sûr, le naturel reprenant le dessus, les Marseillais montés à Paris en profitent aussi pour se livrer à quelques entreprises de raquettes. Comment, se trouve tout à fait par hasard qu'en houspillant un manifestant, Ils ont découvert sur lui une liste de donateurs. Des donateurs, des dons pour qui? Pour les grévistes ou les blessés. Ah ouais, je vois. Alors ensuite, il a été très facile d'aller voir ces donateurs. Et d'exiger le versement de la même somme pour les bonnes œuvres gaullistes. Ah ouais, de l'argent que j'imagine que ces malfrats ont gardé pour eux. Bien sûr. Mais la principale contribution du SAC à la lutte contre la contestation, ce sera la grande manifestation gaulliste du 30 mai 68. Aux Champs-Élysées, hein? Oui, d'après ce que je sais, c'est dès le 20 mai, c'est-à-dire un moment où le pouvoir se délite et où le général semble ne plus avoir de prise sur les événements, que les chefs du SAC décident du principe de l'organisation de cette manifestation. Donc, c'est important ça. Mm-hmm. Bien avant le départ du général pour Baden-Baden. Hein? C'est exact, oui. Mm-hmm. Mais à mon avis, De Gaulle n'en a rien ignoré. Et s'il est revenu après cette brève escapade, c'est qu'il était au courant et que Focard l'avait assuré que ce serait un grand succès. De même qu'il savait que des contacts avaient été pris en particulier avec le 501e régiment de blindés de Rambouillet. Et il faut reconnaître, alors qu'on disait les communistes prêts à s'emparer du pouvoir et à marcher sur l'Élysée... C'était faux, hein. Je suis d'accord avec vous. Donc je disais, il faut reconnaître que Focard et les siens ont bien joué. Ils ont réussi à faire venir de province des milliers et des milliers de sympathisants ou de militants gaullistes. Le résultat, ça a été cette marée humaine qui a déferlé sur la plus belle avenue du monde. Une manifestation, il faut le dire, précédée par le bref discours radiodiffusé du général. Hein. Un discours qui a fait grande impression tant qu'il a soudain semblé que De Gaulle était redevenu lui-même. Toutefois, je peux vous révéler que les dirigeants du SAC, même s'ils étaient confiants dans le succès de leur manifestation, avaient tout prévu. Que vous voulez dire, hein? Eh bien, aux portes de Paris, des commandos armés veillaient. Des hommes qui avaient pour mission d'ouvrir le feu au cas où se seraient présentés des gares remplies de contre-manifestants communistes. Il y avait aussi des centaines d'hommes armés postés près de l'Assemblée nationale et auprès de l'obélisque de la Concorde. Ah ouais, au cas où, quoi. En effet. Ouais. Focard a donc sauvé De Gaulle. En tout cas, il a largement contribué à son rétablissement. Et le général le remerciera chaleureusement. C'est le triomphe du SAC. Et fort de cette reconnaissance présidentielle accordée à son mentor, il allait aller de dérive en dérive. Mais nous verrons ça bientôt. À samedi prochain, donc, pour un deuxième entretien consacré au SAC et en particulier à l'épisode sanglant d'Auriol.